J'm'en souviens pas frérot, j'en mets une autre. La gazelle s'est échappée du zoo. On dévale le ruisseau, des rivières de ruinards. Futé comme un renard, sur un coup de tête j'me barre. J'en ai rien à foutre, j'me lève pas s'il y a pas de sous. Des pétasses y'en a partout, mi amor vient m'embrasser. Ouais, j'en ai rien à foutre, des méprisants, des jaloux. Impression déjà vu, j'sais plus sur quel pied danser. Envie de recommencer, tu lis dans mes pensées. On a tous grandi, parce qu'il faut avancer. Parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut bien s'habiller. Tu veux bien t'habiller, il faudra mettre un billet. Ouais, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux. De l'eau, du café, de la beuh, de la beuh. Et c'est tout ce que je veux, je veux tout ce que je veux. J'ai pas tout ce que je veux, donc j'ferme les yeux. En attendant, je vais que barauder, je vais barauder la night. En attendant, je fais que barauder, je vais barauder la night. En attendant, je vais barauder, je vais barauder la night. En attendant, je vais que barauder la barauder. Fait courir tous les messieurs, car c'est un missile. Elle compare l'or à la poussière. Carioca, c'est la bifi. Toi, ça se voit, tu viens pas d'ici. J'ai bien cherché, y'a pas d'issue. Mademoiselle, c'est quoi l'addition? J'sais pas compter, mais j'veux dépenser mon bif. Ouais, j'veux dépenser mon bif. Je sais pas compter, mais j'veux dépenser mon bif. Ouais, j'm'en bats les couilles de ton avis. Tu m'aimes pas, c'est tant pis. On a écouté des morceaux classiques, on a écrit des chansons tristes. Des fois les mots c'est magique, ça peut te sauver la vie. Résonner la nuit, au bord de la faillite. Quand y'a des hauts et des bas, que le bateau va s'y aller. Où aller, où